Toujours à l'occasion de l'anniversaire de l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, les masses médias de divers pays ont présenté les numéros spéciaux. Le journal laotien Kontap Assassin Lao a présenté un article spécial avec le portrait en sourire du général Kim Jong-il. Le journal sénégalais Le Populaire et le homepage d'internet du Parti communiste Les Communistes de Russie ont fait les rédactions spéciales avec les photos du général Kim Jong-il. Le journal indonésien International Média, la radio nationale sénégalaise et la radio cambodgienne FM 90,5 ont exalté les exploits immortels de l'édification du parti des grands hommes coréens. La télévision nationale guinéenne RTG Bulbiné a présenté le parc d'attractions du peuple de Lungla et la station de ski Massignon aux heures les plus élevées dans le taux audiovisuel. Par ailleurs, l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a présenté dans son homepage d'internet un écrit titré « Exploit immortel de l'édification du parti » avec la photo du général Kim Jong-il.